Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et je suis heureux aujourd'hui parce que nous allons parler de mon oiseau préféré. Nous allons parler du jet des chênes, rien que et ça. Oui. Allez, c'est et tout de suite après le générique. Comment ça va Sophie? Bah écoute, moi ça va très bien, et puis visiblement, si t'es heureux, ma foi, tout va bien. Ah bah je suis tout heureux de parler du jet des chênes, c'est mon oiseau préféré, très sous-coté parmi les oiseaux, voilà, je tiens à le dire. Ah ouais, très sous-coté. Ah très sous-coté, ah bah pour sa capacité à planter des glands chaque année, et à faire pousser parfois des moitiés de forêt entière, hein, rien que ça. Des moitiés de forêt entière. Ouais, comme certains de nos amis anglais nous l'ont démontré par le passé, donc très très content de découvrir ce que tu vas nous dire sur ce jet des chênes. Mais tu veux que je commence du coup ou tu veux partir en premier parce on va commencer par les mauvaises nouvelles. Oh. Évidemment, parce que t'as des mauvaises nouvelles à nous apprendre. Bah en vrai, pas vraiment, mais on va quand même parler de mortalité chez les oiseaux, et même de mortalité, on va dire, très proche du cadre ornithologique, puisqu'on va parler de bagages chez les oiseaux. Alors, vous savez bien évidemment que les ornithologues utilisent le bagage pour cibler les oiseaux qu'ils récupèrent et ensuite pouvoir établir des espèces de routes migratrices que ces oiseaux sont capables de prendre. Alors, généralement, on bague les oiseaux aux pattes, hein, mais j'ai découvert qu'on baguait les oiseaux au bec pour les anatidés. J'ai découvert ça dans le livre de Maxime Zouka sur la migration des oiseaux. Alors, d'accord. Que je vous recommande d'ailleurs, ceci n'est pas un placement de produit. Ah bon? Absolument. Ouais. Alors, comment ils font pour les baguer? Alors attends, tu m'autorises une petite question. Comment ils font pour les baguer au bec? La photo, c'était un anatidé dont j'ai plus le nom d'espèce, où il y avait justement le code de la bague sur le bec de l'oiseau. Alors, je sais pas du tout comment c'est fait. Alors, ça se trouve, je raconte énormément de bêtises. J'ai juste vu la photo 30 secondes et j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher. Mais ça m'a surpris sur le moment. J'essaierai de creuser ça un petit peu plus tard. Ah, mais ouais, carrément. On va parler d'une étude sortie le 24 mai dernier, réalisée par Tom Randall et collaborateurs, qui parle de la mortalité qui a lieu lors des programmes de bagages au Danemark et aux îles Féroé, rien que ça. Une analyse qui a porté sur un nombre ahurissant d'1,776,038 individus sur une période de 20 ans. Effectivement, ça fait beaucoup. Entre 1998 et 2018, des données qui ont été fournies par le centre de bagages de Copenhague, ça représente environ 307 espèces qui ont été utilisées lors de cette étude, ce qui représente quand même, on va dire, un chiffre tout à fait honorable une étude scientifique. Et donc l'objectif, c'était de déterminer quelles étaient les principales causes de mortalité avaient lieu lors des séquences de bagages. Il y avait déjà des études qui avaient été réalisées, il y a une éthique qui est de plus en plus discutée lors des opérations de bagage. Ce fut le cas notamment dans une étude de 2006 et de 2018 qui sont conjointes dans l'étude que vous retrouverez bien sûr dans la description. Et puis, on s'appuie également sur des études bien plus anciennes qui déjà estimaient des taux de mortalité avec des chiffres compris entre 0,23% pour une étude de 2012 et 0,8% pour des résultats plus hauts, même si déjà ces études sont plus anciennes et sont réalisées avec des résultats qui sont à discuter pour notamment plein de références vis-à-vis des méthodes de calcul. Donc ce sont des résultats, ces 0,8%, qui sont à pondérer par rapport au 0,23% de l'étude de 2012, et ça montait à 0,58% si on rajoutait les animaux qui étaient blessés, en prenant en considération que les oiseaux plus gros étaient soumis à des risques plus importants. Cloulet avait réalisé une étude en 2018, pareil, vous retrouverez les liens dans cette étude, il y a beaucoup de liens qui sont référencés dans cette étude, sur la capture au filet japonais, plutôt la recapture au filet japonais, puisqu'il y a plusieurs méthodes de capture d'oiseaux. On y reviendra un tout petit peu rapidement lors de la communication des résultats, et ils avaient remarqué que le taux de mortalité était un tout petit peu plus important en hiver. Alors, grosso modo, sur ces 1 776 000 individus, je vous fais grâce des 38 derniers, eh bien, le taux de mortalité était compris entre 0,16% et 0,21%. 0,16%, ça, c'est pendant le bagage, et 0,21%, ça, c'est dans la prise au filet. Donc, c'est l'addition des deux nombres qui donne le 0,21% que l'on a en résumé. Donc, ce qui reste des chiffres totalement acceptable hein, au vu justement du très très grand nombre d'oiseaux qui sont récupérés sur cette période de 20 ans. Toutefois, et ça c'est intéressant, les chercheurs ont soulevé dans leur étude un problème vis-à-vis de données par rapport à la période 2007-2017, puisque avant la période 2007, on rappelle que cette étude s'étend de 98 à 2018, le rapport des décès des oiseaux était renseigné de manière obligatoire avec donc le nombre d'oiseaux qui avaient été capturés et la méthode de capture. Mais à partir de 2007, eh bien, ce rapport de décès des oiseaux a changé, puisqu'il est devenu électronique et il fallait que les bagueurs téléchargent eux-mêmes les formulaires pour chaque oiseau en question. Ah oui. Donc il se peut qu'il y ait effectivement des données qui étaient perdues dans ce nombre. Et en 2017, eh bien, la communication a été renforcée pour éviter de perdre des données qui pourraient être précieuses. Donc voilà, ça ne change pas fondamentalement les résultats parce qu'on a un graphique du nombre d'oiseaux qui sont bagués par année représenté aussi dans l'étude. Et on voit qu'il n'y a pas énormément de modifications, mais ce sont quand même des choses qui sont intéressantes à prendre en considération. Alors les résultats, on va les détailler désormais, puisque ces 2812 essais qui ont été recensés sur environ 88 espèces, principalement des passereaux, hein, qui constituent eh bien 0,19% des 0,21%, ce qui est quand même un chiffre très important, principalement des jeunes, 0,11% des oiseaux. Pourquoi les jeunes? Eh bien, tout simplement parce que la grande majorité des oiseaux meurent lors de leur première traversée par inexpérience, mais aussi pour d'autres raisons que je vais détailler juste après. 38% des oiseaux qui sont décédés sont d'ailleurs bagués pendant l'automne lors de ces migrations. Et eh bien, qu'est-ce qui représente maintenant ce qui tue le plus lors eh bien, des séquences de bagages? Eh bien, avec peut-être surprise pour certains de nos auditeurs et nos auditrices, c'est la prédation qui est le plus responsable de décès d'oiseaux. Donc prédation évidemment d'oiseaux, mais également aussi prédation de mammifères, parce que les oiseaux sont capturés dans les filets et font bien évidemment des proies faciles pour les prédateurs. Le prédateur le plus représenté est l'épervier d'Europe avec 21% de ces 55% de cas de mortalité. Mais il y a aussi la maison charbonnière. On revient encore à la maison charbonnière qui est également assez importante dans l'équation. Il y a d'autres cas sur lesquels je reviendrai juste après, parce que parmi les autres possibilités de décès de ces oiseaux, il y a effectivement le fait que ces oiseaux soient coincés dans le filet. Il y a aussi des erreurs de manipulation. Ça peut arriver, des erreurs de manipulation. Et puis d'autres causes qui sont extérieures. Et plus plus surprenamment, Sophie, et peut-être que tu m'en diras plus, il y a un terme qui s'appelle le containment, qu'on pourrait traduire par le confinement. Mis à part le fait que l'oiseau soit placé dans le sac et qu'à ce moment-là, justement, il se mette à mourir, je vois pas spécialement ce que ça aurait pu être. Donc tu me confirmes que c'est bien ce à quoi je pensais pour le coup. Oui, c'est ça. Le containment, c'est le fait de mettre un truc dans une boîte, effectivement. Et on a aussi un très très très faible pourcentage, très très faible pourcentage, on est sur du, même pas du centième de pourcent, où on a des oiseaux qui sont euthanasiés. Voilà, ça peut arriver également que des oiseaux soient euthanasiés, mais c'est quand même des choses à prendre en considération. Et donc voilà, on se retrouve avec ces différents taux de mortalité. Et on parlait des différentes méthodes de capture. Il s'avère que la méthode de capture qui est la plus problématique dans le monde de l'ornithologie, c'est la capture au canon. Alors quand on dit au canon, on va pas tirer un boulet de canon bien évidemment, non, faut préciser. On tire un filet avec un canon et c'est justement l'utilisation de cette méthode qui représente le plus important taux de mortalité avec 0,56% du taux de mortalité parmi les 0,21% toujours, ce qui est quand même en dessous des 1% qui est acceptable selon des études notamment réalisées en 2012 par Spotfood. Donc voilà, en conclusion, les chercheurs ont déterminé qu'on était tombé sur des chiffres relativement proches de précédentes études, avec justement des effectifs qui sont beaucoup plus importants, hein, on est quasiment à 1 800 000 individus. Ce qui signifie que le taux de mortalité lors des séquences de bagage est extrêmement négligeable et pour grande partie n'est même pas dû justement au fait que les oiseaux soient manipulés par des observateurs. On sait que les oiseaux sont des animaux très fragiles. Mais voilà, ce sont des réflexions qui sont à apporter. On essaye d'améliorer de plus en plus la façon de faire en sorte que les séquences de bagage se passent le mieux possible. Apparemment, d'après les différentes recherches annexes que j'ai faites, il semblerait même que on ait aujourd'hui un taux de mortalité moins important que par le passé lors de ces mêmes séquences de bagages. D'accord. Bon, c'est plutôt bien ça. Alors moi j'ai une question, si tu le permets, c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est quelque chose qui m'a touchée un peu parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc on a bagué des oiseaux en Afrique du Sud du coup, et on s'est rendu compte que la bague elle-même était parfois la cause de blessures pour l'animal, voire même de mort. Dans certains cas où l'animal, on a eu par exemple des flamants qui s'étaient complètement coincés le bec dans la bague en question. Ah oui. Et voilà, c'était pas top pour eux parce qu'ils avaient certainement essayé de l'enlever d'une manière ou d'une autre. Et voilà, on a eu des animaux qui sont partis en centre de sauvegarde et de réhabilitation ensuite à cause de ça. Donc est-ce qu'on a une idée peut-être du taux de mortalité dû à la bague elle-même? Ou pas du tout. Eh ben, je suis en train de vérifier tous les mots qui commencent par ring sur l'étude, ce qui fait 148 mots. je crois pas qu'il y ait de mention de ça. Je suis en train de vérifier. D'accord. Non, je suis en train de. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de mention de ce genre de choses. Ah, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Ça parle aussi d'âge à un moment donné, d'espèces aussi vulnérables également. Ouais. Mais par rapport au bagage en tant que tel, je ne vois pas de la prononciation justement de cette réflexion. Je pense que ça doit être mis dans autre cause si décès il y a eu. Peut-être qu'ils se sont basés uniquement sur la cession de bagages elle-même et pas du tout ce qui se passe avant ou après. Parce que après, le problème de l'oiseau qui n'accepte pas la bague, c'est un problème pour après la cession de bagages, j'imagine. C'est pas tout de suite que ça va se produire. Peut-être, mais dans ce cas, ça expliquerait pas pourquoi des fois ils euthanasient des oiseaux ou... pourquoi il y a comment dire d'autres facteurs qui rentrent en considération parce qu'on reste quand même sur le moment du bagage donc si. Pour moi l'installation de la bague fait partie de ce moment-là. Moi, c'est après l'installation de la bague, c'est les oiseaux qui avaient été relâchés et qu'on a récupéré un mois après avec des problèmes. Ah ouais, non, c'est vraiment sur le moment en question. Je pensais que quand voilà. Tu parlais de c'est pas le moment en question, c'est vraiment le moment où on a l'oiseau, on fait les tests, etc. Pour ensuite le relâcher. Non, ils prennent vraiment uniquement la séquence de bagages pour réaliser l'étude. Ok, bon, bah, très bien. Dans ces cas-là, c'est vraiment un temps déterminé. Ok. Bon, ça semble logique, hein, tu me diras. oui, mais c'est toujours intéressant de préciser. C'est peut-être des études qu'il faut mener par la suite. Justement, cette étude dont je parlais de recapture qui avait été réalisée, je ne sais plus, en 2012, si mes souvenirs sont bons, ça peut être effectivement quelque chose qui a été réalisé. Sachant que la grande majorité des captures qui ont été faites sur les oiseaux l'ont été dans d'autres contextes que des observatoires d'oiseaux. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en considération. Les observatoires sont restreint par rapport aux autres situations qui ont mené par la suite à des bagages d'espèces. D'accord, très bien. Bah écoute, moi je trouve ça très intéressant. À la rigueur, si tu veux, pour l'euthanasie des animaux sur site, j'imagine qu'il... Est-ce qu'il y a des raisons de ça ? Ouais, il y a des fois où en fait tu as attrapé un animal, mettons avec un filet, et en fait tu lui as cassé les deux ailes. Clairement tu vas avoir du mal à le sauver, et dans ces cas-là, la méthode... De toute façon, tu pourras pas faire grand-chose en fonction de la cassure, de l'endroit où c'est situé. Donc, des fois, il est plus humain, en quelque sorte, de l'euthanasier directement. Donc, j'imagine que c'est des choses qui se passent très, très, très rarement quand même. Mais c'est pour ça qu'on peut avoir de l'euthanasie sur site, directement durant le bagage. C'est effectivement très, très rare, comme je le stipulais tout à l'heure lorsque je présentais les différentes causes de mortalité chez les oiseaux qui étaient bagués. Mais voilà, vous aurez de toute façon toute l'étude disponible en open access dans la description, comme habituellement. Sophie, je vais éternuer. Non, ça va. Je ne vais pas éternuer. Mais je suis choix parce qu'on va parler du jet des chênes, le plus formidable de tous les oiseaux du monde. Je ne veux rien savoir. Alors, ne nous emballons pas. Nous avons toujours cette tier list, Sophie. Il faut qu'on fasse cette tier list. Il faut. Voilà. Alors, on va parler du jet des chênes, et on va parler du jet des chênes dans un contexte assez particulier, parce qu'aujourd'hui, on va parler de mémoire et de mémorisation pour le jet des chênes. Alors, comme tu l'as souligné tout à l'heure, le jet des chênes a une petite particularité, c'est qu'il cache notamment des glands, des noix, des tas d'autres trucs qui vont permettre de régénérer une forêt si effectivement il en a caché un peu trop et qu'il n'a pas retrouvé toutes ses cachettes, mais qui vont surtout lui permettre de survivre pendant l'hiver, parce que ses cachettes, c'est de la nourriture pour lui pendant toute cette phase hivernale où il n'est pas facile de trouver des trucs à becquer. Et donc le jet des chênes est considéré comme l'un des oiseaux qui a une très très bonne mémoire, évidemment, parce qu'il faut se souvenir de toutes ses cachettes. Et c'est logique. Et comme on a parlé, d'une mésange il n'y a pas si longtemps, qui avait le même type de mémoire, qui cachait aussi des choses un peu à droite et à gauche pendant l'hiver, moi je ne vais pas aujourd'hui vous parler de ce type de mémoire à long terme, on va parler d'un autre type de mémoire à long terme, parce que oui, il y a plusieurs types de mémoire à long terme, et notamment il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire à long terme, mais la mémoire à long terme des événements. Et de tout ce qui entoure cet événement, du contexte, en quelque sorte. Donc, vous avez d'un côté la mémoire épisodique, donc les événements et leur contexte, et de l'autre côté, vous avez la mémoire sémantique, qui est la mémoire des faits et des concepts, cette fois-là. Donc, deux types de mémoire. Alors, j'imagine que ça peut sembler un petit peu nébuleux comme ça, donc je vais peut-être vous donner un petit exemple pour vous dire, voilà, que c'est deux types de mémoire. Un exemple très très simple qu'on a certainement tous eu. Imaginez, vous sortez de chez vous, fermez la porte, vous faites 500 mètres, et puis là, soudainement, il commence à pleuvoir. Mais alors, une bonne douche. Et là, la question, avez-vous fermé le Velux de la chambre? Alors, évidemment... Si vous êtes en appartement, la question ne se pose pas. Tout de suite, on me casse mon exemple, là, mais c'est terrible. Hein. Mais en gros, ce qui va se passer dans votre tête à ce moment-là, c'est que vous allez essayer de revenir en arrière dans vos souvenirs les plus récents. Est-ce que j'ai fermé ce foutu Velux? Donc, vous allez revenir sur vos pas. Ça sent le vécu, hein, quand même. Hein. Oui, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais en gros, vous allez revenir sur vos pas, sur vos souvenirs les plus récents, et vous allez essayer de retrouver les événements qui vous ont conduit soit à fermer le Velux, soit à ne pas fermer le Velux, du coup. Et vous allez essayer de vous souvenir des détails de ce que vous avez fait avant de partir. Alors, normalement, ce sont des détails, comme fermer un Velux, fermer la porte à clé, je sais pas moi, tirer les volets, quoi que ce soit. Ce sont des détails, c'est du contexte, c'est des choses autour de ce que vous avez fait. Le fait, c'est que vous êtes sorti de chez vous. Les détails, le contexte autour, c'est que bah, pour sortir de chez vous, vous avez fermé la porte à clé, vous avez fermé le Velux, vous avez, éteint les radiateurs parce que vous allez partir pour longtemps, bref. Vous avez fait tout ça dans le contexte, et le fait, vous êtes sorti, vous êtes parti de chez vous. Donc on a vraiment les deux types de mémoire ici, et le coup de « j'ai fermé le Velux ou pas », ça va se rapporter à cette mémoire épisodique, justement, qui va vous permettre de savoir si tous les détails autour de cet événement, vous êtes capable de vous en souvenir ou pas. C'est comme, par exemple, vous allez à un mariage, vous savez que vous êtes allé à un mariage, le fait est là, hein, vous y êtes allé, mais grâce à votre mémoire épisodique, vous allez pouvoir vous souvenir peut-être de la couleur du costume que vous portiez ce jour-là, ou de la robe. Ou alors, si vous avez bu, vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout. C'est possible aussi. Il est encore parti à me casser mes exemples, là, mais c'est pas vrai, là. C'est le raisonnement par l'absurde. Ah, mais absolument, par l'absurde. Mais voilà, donc la mémoire épisodique, ça va être tout ce qui est contexte, environnement et petits détails que vous n'auriez pas retenus tout seul, parce que bah, ça n'avait pas forcément d'importance sur le moment, mais des détails que vous allez pouvoir récupérer plus tard, en quelque sorte, en revenant sur ces souvenirs que vous avez stockés, et en vous disant, ouais, mais attends, si je réfléchis bien, j'ai fermé ce Velux ou pas? Et là, vous allez vous dire, ah mince, j'ai pas fermé, et ben j'ai intérêt à courir. Voilà. Donc ça, c'est votre mémoire épisodique. Et jusqu'à récemment, on n'était pas sûr si les autres animaux, autres que nous évidemment, étaient capables d'avoir cette mémoire épisodique. Pour la mémoire des faits et des concepts, donc la mémoire sémantique, on en était à peu près sûr, parce que les animaux sont capables d'apprentissage, notamment, bah, par exemple, chez les corvidés, hein, quand on parle des oiseaux, vous savez qu'ils sont capables d'apprendre des concepts, ils sont capables de retenir des choses, ils sont capables de retenir des manières de faire, par exemple. Il y a toute une culture chez ces oiseaux-là, notamment, qui leur permet d'avoir pas mal de mémoire à long terme, de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils savent faire, qu'ils ont appris à faire. Et donc, ça, on savait que ça existait, mais par contre, ce sur quoi on n'était pas totalement sûr, c'est la mémoire épisodique, donc cette mémoire des détails autour des événements en question. Et alors, il y a une petite étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui donc est basée sur le jet des chaînes, et qui a été publiée dans PLOS ONE, donc c'est en open access, donc vous aurez évidemment le lien dans la description. Et cette petite étude a été faite, alors il me semble que c'était à Cambridge, je vais juste revérifier. Mais en gros, c'est l'équipe de Clayton et compagnie. Exactement, oui. Ah, exactement. Les fameux. Ah bah, et toujours sur les mêmes jets, hein, tu remarqueras. Mais ils ont fait des tours de magie la dernière fois déjà des chaînes. Hein. C'est... ils ont une équipe de GD chaînes sur place. Terrible. Alors c'est des oiseaux qui ont été élevés en captivité. Il y a que Nicolas Clayton évidemment. Et son équipe pour faire ça. Ils ont une équipe alors de 7 individus, 7 GD chaînes qui ont été élevés en captivité, hein, qui connaissent pas mal de choses et qui ont été entraînés à plusieurs petits exercices, comme tu dis, ils ont fait partie d'autres publications précédemment. Mais là, dans celle-là, donc ils étaient partis sur du tour de magie et ils ont continué sur leur tour de magie avec les jets des chaînes. Vous connaissez certainement le principe de « je cache un truc sous un gobelet et vous devez essayer de trouver sous quel gobelet il est, même après que j'ai mélangé les gobelets ». Bah voilà, donc ces jets des chaînes avaient l'habitude de cette petite expérience. Alors cette fois-ci, pour cette expérience-là, ils mettaient le jet des chaînes tout seul, évidemment, dans une petite cage, et en face de lui, il y avait donc 4 gobelets identiques. Il cachait un verre de farine sous l'un des gobelets, et donc le jet des chaînes devait tirer sur une petite cordelette qui était rattachée au gobelet sous lequel il y avait le verre de farine pour récupérer la récompense, le verre de farine en question. Et donc ça, on est quand même sur quelque chose d'assez simple, parce que bon, c'est juste, je regarde où est-ce que t'as placé le verre, et je le récupère. Voilà, donc on est sur quelque chose qu'un jet des chaînes lambda est tout à fait capable de faire déjà d'habitude, non, avec toutes ces histoires de cachettes. Mais là, ils ont rajouté un petit truc supplémentaire et qui va leur permettre de tester justement la mémoire épisodique dont on a parlé précédemment. Alors comment ils ont fait ça? Alors ils ont ressorti leur concept des quatre petits gobelets sous lesquels on allait cacher un verre de farine. Sauf que cette fois-ci, les 4 gobelets, ils sont pas identiques comme dans le test précédent. Dans ce nouveau test, les 4 gobelets ont des signes distinctifs. Donc chaque gobelet est identifiable. Ils sont tous différents. Alors soit ils ont fait plusieurs types d'expériences. Alors soit c'était une forme qui était différente sur chaque gobelet, soit c'était une couleur. Bref, il y avait différents patterns qui ont été utilisés pour différencier les gobelets en question, et du coup ils ont fait l'expérience avec différents types de différenciation en quelque sorte, pour savoir si ça fonctionnait dans tous les cas ou pas. Et donc ils ont proposé ces 4 gobelets, et ils ont mis sous l'un des gobelets cette fois-ci 5 verres de farine, pour vraiment encourager l'animal à bien se souvenir de ce qui se passait, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait le jet des chaînes n'avait pas accès au gobelet tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tirer sur une petite cordelette pour révéler les verres de farine, non, non, non. Il était mis devant les gobelets, on lui montrait sous quel gobelet on mettait les verres de farine, et ensuite on le faisait sortir de cette cage. Et on lui disait « tu t'en vas !» Il n'a pas la récompense tout de suite. Et seulement 10-15 minutes après, on faisait revenir le jet des chaînes, cette fois-ci dans une autre petite cage, où on avait placé les gobelets qui cette fois-ci étaient accessibles par lui-même directement. On les avait pas forcément placés dans le même ordre d'ailleurs, hein, on avait parfois changé l'ordre, et on avait remis les verres de farine sous le gobelet sous lequel ils étaient de manière la manière précédente, pour que ce soit exactement le même pattern qui indique la présence des verres de farine en l'occurrence. Et le jet des chaînes était donc encouragé à choisir un gobelet, et celui qu'il touchait en premier devait être normalement celui qui avait les verres de farine, évidemment, s'il avait bien retenu ce qui s'était passé précédemment. Donc là, pareil, on lui demande en fait de retenir sous quel gobelet on a mis des trucs, de partir, quitter la salle complètement, de ne plus voir les gobelets du tout, de les oublier, et de revenir plus tard, et on lui dit « Bon, est-ce que tu te souviens sous quel gobelet ils étaient, ces verres de farine ?» Attention, hein. c'est ça que j'adore avec l'équipe de Nicolas Clayton, c'est que c'est des expériences qui sont tellement simples à expliquer au grand public. C'est ça. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Et donc, le jet a réussi. Eh ben oui. Les jets ont réussi. Dans 70% des cas, ils ont réussi à trouver le bon gobelet. Alors, 70% des cas, vous allez me dire, c'est pas très élevé. Bah, c'est quand même vachement mieux que 50%, parce que 50%, c'est un coup dans l'eau, quoi, à chaque fois. Donc là, dans 70% des cas, sur 4 gobelets, ils étaient tout à fait capables de choisir le bon et de se souvenir de quel pattern avait été celui sous lequel les verres de farine étaient cachés. Et même, et pourtant ils ont pas... L'expérience a été répétée plusieurs fois, mais les animaux n'ont pas été entraînés spécialement pour cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on leur a pas donné d'entraînement au début en leur montrant d'abord peut-être un gobelet un peu différent des 3 autres, et puis après en vraiment les encourageant à avoir toujours le même pattern sous lequel on avait les verres de farine, par exemple. Parce que ça peut se faire avec d'autres animaux. Mais là, c'était différent à chaque fois. Donc ils ont pas été entraînés à reconnaître une couleur particulière ou une forme particulière ou un motif particulier, c'était vraiment différent à chaque fois. Incroyable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces animaux sont tout à fait capables de s'adapter, de se souvenir de ce qui s'est passé précédemment et de récupérer ce souvenir dans leur tête comme nous, lorsqu'on a un souvenir quel qu'il soit, et de se dire « mais attends, elle était de quelle couleur la robe de la personne avec qui j'ai parlé l'autre fois ?» Et même si sur le coup, on s'en fichait complètement, on est capable, bon, avec un petit peu de réflexion évidemment, de s'en souvenir. Bah là, c'est pareil. Là, le jet des chaînes, il s'en fiche un petit peu de la couleur du gobelet, sur le coup. Bah, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui est en dessous du gobelet. Il y avait des verres de farine là-dessous, il y en avait 5, c'était quand même pas un petit nombre. Et par contre, après, il est capable de revenir et de se dire « Ah mince, les gobelets, ah bah oui, mais attends, il était de quelle couleur, celui sous lequel il y avait les verres de farine ? Attends. » Ah là là, incroyable. Voilà. Et dire qu'on a failli perdre ce département, c'était en 2022 ou en 2023 où le département, justement, alors je crois 2022, que c'est psychologie, si je dis pas de bêtises, ou neurosciences, de Nikki Clayton, allait fermer parce qu'ils avaient plus de financement. Et ils l'ont sauvé grâce à un financement participatif. Et ça permet de faire des expériences comme ça, quoi. Mais ils carburent, hein, ils en ont fait une, je crois, en fin d'année dernière déjà. Je sais plus si c'est sur le jet des chaînes, c'est peut-être celle-là d'ailleurs. Mais je crois qu'ils en avaient déjà fait une aussi. Oui, ils en font plusieurs. Hein. Celle-là a été publiée en mai 2024, le 15 mai 2024 pour être exact. Donc c'est très récent. Carbure à deux ou trois études par an. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. C'est un très bon labo, c'est vrai. Totalement, totalement. Et puis, ça permet de mettre en évidence cette mémoire épisodique. Moi, je me souviens, j'ai un livre j'ai oublié son auteur, Nathan Emery, qui s'appelle « L'étonnante intelligence des oiseaux », où l'un des chapitres s'appelle « Mémoire épisodique », mais « Mémoire épisodique » avec un point d'interrogation. Et oui, parce que c'était pas encore totalement acquis. Exactement. Exactement. Donc effectivement, il y avait, enfin, on s'en doutait un petit peu, on sait que par exemple les grands singes, ce genre d'animaux, sont tout à fait capables d'avoir de la mémoire épisodique comme nous. Enfin, on sait. On a des expériences qui tendent à prouver que, voilà, c'est plus dans ce style-là. Mais pour les oiseaux, c'est vrai que c'est très récent. On n'en savait rien jusqu'à très récemment. Voilà. Mais voilà, mais c'est les meilleurs, les jeunes échelles en même temps. Hein. Ils ratent jamais une expérience. Ah oui. Bah, après, les corvidés, en règle générale, j'ai envie de dire, voilà, parce que bon, leurs cousins, on a pas mal d'expériences pareilles sur la mémoire qui ont été faites sur des corbeaux, absolument, sur des corneilles, principalement. Bref, il y a eu pas mal de choses. Hein. Après, bon, c'est 70%, mais ils se disent que bon, 100%, bon, ça ferait un peu trop, donc ils laissent une petite marge à chaque fois. Ils laissent une petite chance peut-être aux autres espèces, c'est ça ce que tu es en train de me dire. Faites mieux. Ah là là. Bon, bah, c'est sur cette magnifique étude et la suprématie du jet des chaînes parmi les oiseaux. Ne t'emballe pas. que nous allons nous quitter. Merci Sophie de m'avoir accompagnée pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Merci à toi aussi pour une très bonne étude sur le bagage des oiseaux, très intéressant. Avec grand plaisir, on te retrouve sur Twitter, @leplumeux, sur Instagram également, on te retrouve aussi sur Entracte Science, aux côtés de Julien, on te retrouve bientôt sur Twitch, qui sait, pour nous parler d'oiseaux dans le jardin, même si ça va être un petit peu plus compliqué là, lors de ces prochaines périodes, mais c'est tout jamais. Et vu que je ne suis pas dans mon jardin en ce moment, ça va être compliqué, effectivement. Ça, mais c'est pas grave, on ne désespère pas. On le dira à chaque épisode, comme ça les gens s'attachent. On ne désespère pas. Oh, cela dit, j'ai vu un couple là juste récemment d'oiseaux qui ont l'air d'avoir envie de nidifier juste devant une des fenêtres de l'endroit où je suis en ce moment. Et alors peut-être, c'est des chardonnerets. Ah, les chardonnerets. Moi j'ai vu des lignottes mélodieuses hier. J'étais très content. J'ai la chance d'avoir une zone industrielle, une zone commerciale qui est bordée d'arbres. Derrière, tu as les champs. Donc tu as un transit quand même d'oiseaux que tu vois pas souvent dans ce genre de zone, comme des linottes, comme des verdiers, des chardonnerets. Ah, c'est bien ça. Voilà, du bruant de temps en temps qui vient. Ça se fait plaisir. Oui, ça c'est bien. Cette outro est beaucoup trop longue, donc nous allons arrêter de divaguer. Nous allons vous remercier, bien sûr. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, sur Twitter, @spotcdls, et bientôt sur d'autres plateformes. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et salut à toutes. À plus. Et vive les jets.